Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de rock progressif à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous écoutez Rock de Neurones en compagnie de Jimmy Farley. Aujourd'hui, à l'émission, nous aurons le groupe italien Oscillazioni Alchemica Creativa. On aura, ça c'est d'Italie, oui, j'ai bien mentionné, Fragile d'Allemagne, Red Sun du Québec, Lazuli de la France, RPVL d'Allemagne, Crippled Black Phoenix d'Angleterre, Twin Age de Suède, et on va terminer avec Osada Vida de Pologne. Comme à chaque semaine, on a l'album de la semaine, et aujourd'hui, nous aurons le groupe italien Oscillazioni Alchemico Creative qui vient de pondre son deuxième opus. Il s'agit de Nine Witches Under a Walnut Tree. C'est un album concept là, qui concerne, qui traite d'une légende italienne du 16e siècle autour de 9 sorcières qui volaient à travers l'Europe et qui se regroupaient sous un noyer là, pour célébrer leur rituel. Ça, je tiens ça de la chronique de Serge Marcoux là, sur profilprog.com. Si vous voulez avoir le fondamental derrière l'œuvre ou l'album concept là, de O.A.K, Oscillazioni Alchemico Creative, pour ne pas confondre avec Oak de Norvège qui se prononce sans la ponctuation. Alors, l'album Nine Witches Under a Walnut Tree est composé de 9 pièces. Ça totalise 46 minutes, donc chaque pièce dure en moyenne 5 à 6 minutes. Et le fondateur, Jerry Cultilio, qui s'occupe à peu près de tous les instruments, a quand même des invités de marque, notamment David Jackson, qui œuvre au saxophone. David Jackson, qu'on a bien connu pour sa participation au groupe Van der Graaf Generator. Alors, on débute ça avec 6 extraits de l'album. Salut, je suis Jerry Cutillo de OAK, Oscillazioni Alchemico Creative, et vous écoutez Rock de Neurones de Trois-Rivières au Québec. Thank you. riflessi bollenti, sento la vita sempre più mia. Sono felice, mi arrendo, so dove cosa cercare. Già volare Thank you. Concupiscente prudenza, di raggio il velo muliebre a nascondere la tua bellezza. Campana incenso stasera, infantici di accuse grevi nella città di Blair. Superstizione e rabbia per una putta guasta il corpo di seccato, toccato dalle streghe, da un diavolo. Hai un brivido, fochetta, lungo entro lì, sul davanzale del cammino. E tardi il vento buono, troverai luce e volerai via dal tuo destino. Forte, con gli occhi fulvi e una tempesta il cuore, vai verso fuochi amici ed ansi sulla cenere. Candele nere sul libro accosto, Corpus Iuris, maledetto, Institori scrive, misogini e potere, mai brucia martello di strega, brucerai mai il mio orgoglio di eretica. Mostraci il punto prudenza e le tue formule di cui sai maneggiar di bocca. Sei la mia deprecata, incubo, negromante appostata interdetta. A notte tarda ti hanno vista lungo il fiume, scapigliati ancora il ventre nudo e caldo. Candele nere sul libro accosto, Corpus Iuris, maledetto, geht zu den Sternen zu sehen und fällt in einen tiefen Traum. Der Wind trägt sie mit Elfen und Feen zu einem Treffen am Walnussbaum. Soll ich ein Hexe sein? Lass mich Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour le deuxième bloc de l'émission, je vous propose trois groupes. Le premier, c'est Fragile d'Allemagne. Et comme son nom l'indique, c'est une association directe avec la musique de Yes. Ce groupe-là a œuvré pendant plusieurs années comme cover band pour le groupe Yes. Maintenant, ils nous proposent un album de leur propre cru. L'album s'intitule « Golden Fragments » et la pièce, c'est « When Are Wars Won ?» Ça se traduit par « Quand est-ce que les guerres sont gagnées ?» Ensuite, on aura du Québec Red Sand, qui est un habituel d'émission. On a fait jouer plusieurs pièces dans le passé, des pièces de Behind the Mask. On a eu aussi Cinéma du Vieux-Quartier. Moi, j'aime beaucoup Cinéma du Vieux-Quartier, entre autres. Et là, ils nous reviennent en 2020 avec un album du nom de Crush the Seed. Et la pièce que je vous propose, c'est Were They Born Like That. Ensuite, on va conclure avec un groupe français du nom de Lazuli. Lazuli qui est déjà rendu à 8 albums studio. Et le plus récent, il s'intitule Le Fantastique Envol de Dieter Bohm. C'est l'album que je préfère. Alors, on débute ça avec Fragile. Another world of just you keep marching straight ahead. We didn't do it. Thank you. bones. Proudly emerge in their mantles of shame. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Il y a beaucoup de groupes qui reprennent les chansons de Pink Floyd, notamment Australian Pink Floyd, pour en nommer un. Mais il y en a peu qui s'intéressent aux chansons pré-Dark Side of the Moon. Moi, j'en connais quelques-uns et pour l'occasion, aujourd'hui, j'aimerais vous en présenter deux. Le premier, c'est le groupe allemand RPWL. C'est un groupe qui existe quand même depuis 2000. Ils ont 7 albums studio à leur actif et aussi 6 albums live en spectacle, dont 2 qui s'adressent à Pink Floyd. Alors, le premier, c'est Plays Pink Floyd, donc RPWL Plays Pink Floyd. Et le deuxième, qui est paru en 2016, c'est RPWL Plays Pink Floyd, The Man and the Journey. Alors, c'est extrait de cet album-là que j'ai choisi pour vous, la pièce Nightmare, ou mieux connue sur l'album More de Pink Floyd par le nom Cymbeline. Et on aura en deuxième partie, le groupe Crippled Black Phoenix. Ça, c'est un groupe d'Angleterre qui existe depuis plusieurs années aussi. En fait, depuis 2007, ils ont 10 albums studio à leur actif. Et il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est New Dark Age, qui est paru en 2015. C'est le 8e album du groupe. Et ils reprennent la chanson Echoes de Pink Floyd qui apparaît sur Medal originalement. La pièce qui existe sur Medal n'est pas la pièce originale parce que, selon mes sources, la pièce originale dure comme 37 minutes. Et Crippled Black Phoenix, ben il nous la présente dans son entièreté avec deux chansons. En fait, Echoes Part 1 qui dure 19 minutes et Echoes Part 2 qui dure 18 minutes. Alors moi, je vous propose un extrait de la pièce Echoes Part 1. Alors on débute ça avec RPWL d'Allemagne. Symbolize, it is high time. Hi. must have moved the picture plate. The leaves are heavy round your feet. You feel the thunder of the train. And suddenly it strikes you as it's moving into rage. And Doctor Strange is always high tide, symbolize. High tide. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici déjà rendus au dernier bloc de cette émission et on va débuter avec un groupe de la Suède qui a eu quand même un parcours assez éphémère. Ils ont existé entre 1996 et 2000, donc 4 années durant lesquelles ils ont produit 3 albums studio. C'est une production qui se démarque pas nécessairement de la masse, mais il y a quand même une bonne pièce que j'ai détectée sur l'album « Lie Alim High » qui est paru en 1997 et la pièce s'intitule « The Pelican Lie ». Et on va conclure avec un groupe de la Pologne. La Pologne, quand même, est assez prolifique sur la scène du rock progressif. Et notamment, il y a le groupe Osada Vida qui tire bien son épingle du jeu. Ils ont 8 albums studio entre 2000 et 2018. C'est une production assez inégale. Ils ont 2 albums majeurs. Le premier, c'est « Three Seats Behind the Triangle » paru en 2006. Et ensuite, il y a eu « The After Effect » paru en 2014. Les autres albums, c'est assez inégal, mais il y a quand même quelques belles pièces qui s'y trouvent, notamment l'album « Uninvited Dreams » paru en 2009. Et j'ai tiré de cet album-là la pièce « My Nightmare is Scared of Me ». Time they all should see. We'll be right back.